Don't go away, Clément. Je me suis perdu dans tes accords. Tu tweeted about the mail. C'est pas grave. T'as qu'à faire ton truc, t'as qu'à faire. Pas de truc, je fais n'importe quoi. Dommage, il n'y a plus de jam tabac, ça marche plus. Jam tabac ne fonctionne plus chez moi. Jam tabac ne fonctionne plus. Je crois qu'ils ont fait une version 2, hein. Thank you.

Thank you.